bonheur et quelle est la teneur du bonheur? Le bonheur, sous sa forme la plus exacte, est se sentir en sécurité et l'expression résultante en réaction à eux. Cette incarnation de l'image de soi de l'ego, l'accepteur et le garant de sa condition et de son destin, à travers la confiance sans fin dans d'autres autour de nous. Ce qui peut atteindre la stabilité psychologique pour les membres de la société, n'existait pas alors ou même se profile à l'horizon, ce qui peut provoquer de l'anxiété et de la méfiance. Ce qui laisse la possibilité pour le sourire d'incarner sur le visage de la personne, et le sourire balayant les visages de chacun. Parce que chacun d'entre eux ressent la sûreté et la sécurité inhérente à l'être de l'autre. Nous continuons. Vous n'imaginez peut-être pas que le bonheur est comme un mirage. Mais c'est un fait réaliste. Chaque fois que nous atteignons la périphérie de sa campagne, ses villes peuplées se profilent devant nous en rêve. Puis nous continuons à la poursuivre à la recherche du bien-être dans la ville utopique. Que la ville utopique est celle qui semblait à l'horizon des premiers sophistes et philosophes depuis plus de 5000 ans, ils l'ont dessinée pour nous et l'ont laissée sur les horizons. Puis sont venus après eux ce qu'ils ont appelé le paradis. Depuis la demi-vie de cette époque, le paradis perdu, il ne fait pas être seulement cette ville utopique. Que beaucoup de nos ancêtres ont traversé dans ces rues à travers l'histoire, et les petits-enfants sont toujours à la recherche du fantôme d'une ville vertueuse agitant à l'horizon. Alors qu'ils ont atteint le cœur de cette ville elle-même depuis des décennies, mais la préoccupation de l'un d'entre eux avec ses conditions, ses pas de pied, son chemin et ses rêves personnels, empêchait de prêter attention à ce qui l'entourait, si chacun de nous se tournait vers ce qui l'entourait, vérifiant soigneusement leurs conditions à leurs yeux. Il vit le repère de la ville utopique, et il se sentait heureux, donc le bonheur ne se réalise pas dans l'isolement personnel, loin des peines de ceux qui nous entourent, sans se soucier des conditions des autres. Nous continuons et certains d'entre nous peuvent se demander « Et pourquoi je ne vis pas mon bonheur dans l'isolement loin de la perturbation des gens ?» La question est simple, imaginez que vous êtes seul et que vous avez tout ce que vous désirez et dans une forêt chargée d'animaux sauvages ou dans un désert aride. Rien ne brise son silence que le grincement du vent et vous devez bien dormir, esprit calme, poitrine exposée et cœur rassuré. Et rappelez-vous qu'un être humain mécontent de la forêt et de ce qu'il contient, capable de troubler les abris de ces monstres féroces et d'empêcher leur droit à la vie et pas seulement à dormir. Donc vous ne serez pas heureux d'y dormir, et vous passerez votre vie éveillé, anxieux et effrayé, alors où est le bonheur au milieu de la peur? Ainsi, le sentiment de sécurité personnelle qui crée le bonheur social, c'est ce que l'on appelle les 5 éléments de la stratégie de sécurité nationale au niveau de la politique des pays. Cependant, il est basé sur les problèmes familiers aux étroits et des exigences particulières individuelles dans ces exigences que l'individu peut atteindre. À travers la confiance qui s'exprime à lui et inhérente aux autres autour de lui, parce que lui-même est garanti par lui, aussi il est capable d'exprimer pour les autres, avec ce qui les laisse sentir qu'il est présent, et il fera ce qu'il veut quand ils ont besoin de lui, mais comment faire pour que l'ego se voie lui-même dans les autres autour de lui? Pour ressentir la confiance sans fin, puis ressentir le bonheur. Et ainsi le monde humain tout entier devient un miroir mouvant, chacun de nous a peur de l'écraser à l'intérieur de l'autre. Mais cherche plutôt à le rendre plus lumineux pour s'y voir clairement.